À Marseille, mercredi 25 janvier 1673. Je vous écris après la visite de Madame l'Intendante et une harangue très belle. J'attends un présent, et le présent attend ma pistole. Je suis charmé de la beauté singulière de cette ville. Hier, le temps fut divin, et l'endroit où d'où je découvris la mer, les bastides, les montagnes et la ville est une chose étonnante. Mais surtout, je suis ravi de Madame de Montfuron. Elle est aimable et on l'aime sans balancer. La foule des chevaliers qui vinrent hier voir M. de Grignan, des noms connus, des Saint-Hérem, des aventuriers, des épées, des chapeaux du bel air, des gens faits à peindre, une idée de guerre, de roman, d'embarquement, d'aventure, de chaînes, de fer, d'esclaves, de servitude, de captivité. Moi qui aime les romans, tout cela me ravit et j'en suis transporté. M. de Marseille vint hier au soir. Nous dînons chez lui. C'est l'affaire des deux doigts de la main. Dites-le à Bologne. Il fait un temps de diantre, j'en suis triste. Nous ne verrons ni mer, ni galère, ni port. Je demande pardon à Aix, mais Marseille est bien jolie et plus peuplée que Paris. Il y a 100 000 âmes. De vous dire combien il y en a de belles, c'est ce que je n'ai pas le temps de compter. L'air en gros y est un peu scélérat, et parmi tout cela, je voudrais être avec vous. Je n'aime aucun lieu sans vous, et moins la Provence qu'un autre. C'est un vol que je regretterai. Remerciez Dieu d'avoir plus de courage que moi, mais ne vous moquez pas de mes faiblesses ni de mes chaînes.